Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas. Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Toi qui espères me mettre en colère pour des rien du tout. Toi qui m'agaces avec des grimaces en guise de mots doux. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Oui, pour toi, cela n'est qu'un jeu, mais moi je ne joue pas. Et vraiment, si tu m'aimes un peu, alors arrête-toi. Et je sais d'avance que j'aurai la chance quand le jour viendra d'être satisfaite devant ta défaite lorsque tu me diras. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer.